au chantier de construction de l'avenue du Myon dans la capitale Pyongyang est achevé le 20 juin. L'ossature de plusieurs dizaines d'immeubles à plus de 3000 appartements en 78 jours depuis le commencement des travaux. Les militaires bâtisseurs construisent au maximum l'ossature d'un étage en 14 heures seulement.